le conseil santé de Vanessa Lambert. Tout à l'heure, nous parlerons vergeture après les infos de 5h30. Le livre sur Donald Trump qui est sorti aux États-Unis la semaine dernière, forcément, ça a un peu inspiré Pascal Atenza, les paris de Pascal à 5h25. Et puis Bricorama racheté par Intermarché, c'est dans l'actu et ce sera dans la Minute Conso. L'histoire de cette enseigne de bricolage, ce sera dans 4 minutes avec Dominique Aizouet. On vous souhaite une belle matinée, on donne tout pour la musique et on joue du piano debout ce matin. 5h10 sur France Bleu. Bon réveil. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats font garde à vous, simplement sur ses deux pieds. C'est être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il se mord du genre de neuf, d'être neuf. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Son piano pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Sont à genoux et les soldats au garde à vous, simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Chansons de France Gall tout au long de cette journée sur France Bleu. Les plus belles chansons de France Gall, vous allez les entendre. Vous allez aussi nous en parler au 0810 055 056. Dans une dizaine de minutes, vous parlerez avec nous des concerts de France Gall, du premier disque que vous avez acheté de France Gall, du premier souvenir de cette chanteuse qui nous a quittés hier à 70 ans. 5h14. France Bleu Matin, Franz Massard. Vise cloupé. Laissez un petit message sur le Facebook officiel France Bleu. On a votre météo, on a vos habitudes du matin, ce que vous faites, n'hésitez pas. On adore. Allez sur le Facebook officiel France Bleu. France Bleu. Et puis dans 4 minutes, vous serez à l'antenne 0810 055 056. On attend vos témoignages sur France Gall. Vous le savez, la chanteuse nous a quittés hier. Alors France Gall, c'est peut-être pour vous l'Eurovision, l'artiste des années 70, 60 même pour certains. 50 ans de carrière, des chansons de Gainsbourg, des chansons de Berger, et des chansons de tous les grands, grands auteurs. Et puis surtout, de grandes, grandes chansons, celles que vous avez aimées, les disques que vous avez achetés de France Gall, ceux que vous écoutez encore, les concerts que vous avez vus. 0810 055 056. Ce matin, vous nous parlez de France Gall. 5h19 sur France Bleu. Ce serait pas Ed Sheeran? Ah si. Ed Sheeran. J'aime tellement. Perfect. C'est ce que j'allais dire, c'est merci vrai beaucoup. C'est gentil. 5h24. Alors, on est avec Alain ce matin. Oui, Alain de la Chapelle Saint-Mesmin dans le Loiret. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour Alain, on le disait tout à l'heure, elle a tout donné pour la musique. On parle beaucoup évidemment de France Gall ce matin. Vous avez des souvenirs assez précis, vous, de France Gall? Elle était le symbole, hein, pas seulement pour une génération, mais pour tout le monde. Un symbole qui n'a jamais dansé sur du France Gall, les vieux comme les jeunes. Avec sa mort, c'est une nouvelle légende de la chanson française qui nous quitte après Johnny. Chacun peut citer un tube de France Gall et on est beaucoup à être encore un peu triste ce matin, comme à Nîmes. Bah, ça fait drôle, quoi, parce que c'est mes années, quoi, quand même. C'est vrai qu'on aimait bien, quoi. Résiste, nanana, nanana, nanana. Ça me touche, c'était une chanteuse de ma génération, on va dire. Voilà. De son côté, qui n'était pas bling bling, qui était une chanteuse agréable, qui avait quelque chose qui ressemblait un petit peu à Monsieur et Madame Tout le Monde. Je trouve qu'elle avait quelque chose, oui, très humain. Oui. Il y avait les sucettes à l'ANI. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. C'est dans les soirées, je sais pas, les soirées kitsch, les soirées à la Feria, on entend ce genre de musique de temps en temps, quoi. Quand même, ça fait partie du patrimoine français. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Elle faisait partie de notre patrimoine, c'est vrai. Autre hommage de celui qui est aussi un monument de la chanson française, Charles Aznavour. En 1976, ils chantent ensemble La Mama, écrite par le père de France Gall. C'est l'une de leurs très rares collaborations. Je ne l'ai rencontré que trois fois dans ma vie. Deux fois, nous avons fait un duo sur une chanson que nous avions écrite avec son père, La Mama. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Et la première fois, il avait amené sa fille à Bruxelles pour que je la pousse à chanter. Elle ne voulait pas chanter. Lui trouvait qu'elle avait une voix merveilleuse. Et heureusement, elle a finalement accepté de le faire après avoir vu mon spectacle. C'est... Et elle a fait une carrière extraordinaire. Elle est toujours dans le cœur des Français. Tout pour la musique. Et il répète ses mots, sans suite et sans logique. Charles Aznavour, au 20h de France 2, hier soir, on ne sait pas hein, quand auront lieu les obsèques de France Gall, ni à quoi ça va ressembler. Ce qui est sûr, c'est que les chaînes télé bouleversent leur programme. Évidemment, ce soir, c'est France 3 qui rediffuse un documentaire. Et puis sur francebleu.fr, il y a une web radio qui vous attend avec toutes les plus grandes chansons de France Gall. Et vos témoignages au 0810 055 056. L'actu ce matin, c'est aussi la météo très agitée hein, dans certains endroits. Oui, 12 départements. Une belle matinée. France Bleu. Madame, un bon réveil. Et puis, tout à l'heure, nous parlerons de votre horoscope. Les poissons, vous renouez avec les relations oubliées. Horoscope de Martin, un petit peu avant les infos de 6h. France Gall nous a quittés. On en parle depuis hier sur France Bleu. Ses chansons les plus écoutées dans l'actu musique. Tout à l'heure, vers 6h-10. Et vos souvenirs. On écoutera France Gall. On écoutera Poupée de cire, Poupée de son. Un désagrément qui inquiète beaucoup de femmes enceintes. Mais pas seulement elles. Les vergetures. Conseil santé de Vanessa Lambert. Un conseil à retrouver dans 3 minutes. Nous sommes aujourd'hui lundi 8 janvier. Vous vous réveillez avec nous. Pensez à embrasser les Luciens, parce que c'est leur fête. Ben oui, bonne fête, Lucien. Bonne fête, 5h40. Merci de nous avoir choisis. Moi, depuis ma laryngique, j'ai un peu la voix de Patrick Bruel. C'est vrai. Un petit peu. C'est vrai. Hein, pas beaucoup. Pas le même succès. Patrick Bruel. Voilà. Peut-être pas non plus la même tête. Merci. Au revoir. Je m'en vais. France Bleu Matin. France Massa. France Bleu Matin. Après Johnny, c'est une autre grande voix qui nous accompagne depuis toujours, qui s'en va. Oui, France Gall, décédée hier à 70 ans. On ne sait pas encore quand auront lieu les obsèques ce matin. On revient sur sa carrière avec vous, Bastien Deceninck, et sur ses chansons qu'on a tous en tête. Oui, et si la carrière de France Gall débute en 1963, c'est 2 ans après que la consécration arrive. Une victoire à l'Eurovision avec cette chanson. Dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Poupée de cire, poupée de son, signée par Serge Gainsbourg. À propos de Serge Gainsbourg, d'ailleurs, la carrière de France Gall a été marquée par ses relations amoureuses. Oui, il y a eu aussi Claude François, Julien Clerc, mais France Gall est évidemment indissociable de Michel Berger, qui lui écrit en 1974 la déclaration d'amour. Une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer. Alors le couple enchaîne les succès, la comédie musicale Starmania, et à la fin des années 80, l'album Babacar, où France Gall interprète aussi Elle a une chanson hommage à la chanteuse Ella Fitzgerald. Et la carrière de France Gall qui se termine en 1997, Bastien. Oui, 5 ans après la mort de Michel Berger. Et en 2015, elle signe sa dernière collaboration à la comédie musicale Résiste, qui sera vue par plus de 350 000 spectateurs. Résiste. France Gall qu'on écoute sur France Bleu et sur francebleu.fr aussi, avec une playlist. On vous a mis toutes ces meilleures chansons qui s'enchaînent. Il y a juste à cliquer sur le petit bouton, c'est sur francebleu.fr. Et vos témoignages, votre témoignage d'ailleurs dans 2 minutes à peine, 0810 055 056. France Bleu Matin. Et dans l'actu musique aujourd'hui, Justine, on va parler de France Gall. Quelles sont les 3 chansons de France Gall les plus écoutées ? Eh ben, hier matin, donc, on apprenait la mort d'une des artistes pop les plus importantes de sa génération, hein, des tubes à l'appel, de Résiste à la déclaration d'amour en passant par Si Maman Si. Mais en vrai, quels sont les 3 titres que les Français écoutent le plus ? Eh bien, en 3e position, c'est Il jouait du piano debout. Il jouait du piano debout. Hommage au musicien Jerry Lee Lewis et à sa façon de jouer. Ce titre a été classé numéro 1 des ventes durant une partie de l'été 1980 et apparaissait sur l'album Paris, France. Sur la 2e marche du classement, on retrouve encore une fois un hommage, mais cette fois-ci, c'est pour la chanteuse de jazz, Ella Fitzgerald. Ella, écrite par Michel Berger, son mari, est un énorme succès. Il s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. C'est énorme. Et enfin, et oui, il est temps de voir quel tube se place en première position de ce classement. Et c'est le titre Poupée de cire, poupée de son qui remporte toutes les voix. C'est avec ce titre que France Gall a remporté le concours de l'Eurovision pour le Luxembourg. Et c'est Poupée de cire, poupée de son que les Français écoutent le plus, apparemment. Et justement, ça fait partie des titres aimés par Gilbert, qui nous a appelé ce matin. Bonjour Gilbert. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour Julie. Voilà, oui, moi, en Charente-Maritime. J'habite la flotte en Île-de-Ré. Ouais. Et j'ai été très touché par le décès de France Gall, parce que j'étais un de ses fans de jeunesse, quoi, mon adolescence. Et j'ai beaucoup apprécié effectivement Poupée de cire et Poupée de son que j'avais pu voir à la télévision. Ah oui, déjà à l'époque. Mmh. Ouais. Oui, et c'était rare qu'on ait la télévision, enfin, oui. J'allais voir la télévision chez mes parents. Et donc, je suis d'autant plus touché que je suis né le même jour qu'elle, j'ai le même âge. Ah. Ah. Voilà, D'accord. Beaucoup de souvenirs avec France Gall, vous le disiez, poupée de cire, poupée de son. Il y avait 150 millions de téléspectateurs à l'époque. Parce que vous le savez, l'Eurovision, c'est un truc incroyable. Eh bien, poupée de cire, poupée de son, pour vous Gilbert, pour vous qui aimez France Gall, on l'écoute ce matin. Merci de votre témoignage. Merci. Gilbert. Je vous remercie beaucoup. Merci et à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. En mille éclats de voix, autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire. Grand Prix de l'Eurovision 1965, France Gall sur France Bleu. France Gall nous a quittés hier. On écoute ses chansons tout au long de la journée sur France Bleu. On a une web radio qui est dédiée à France Gall tout au long de la journée. Vous allez pouvoir écouter les chansons de France Gall en allant cliquer sur cette web radio sur francebleu.fr. On va vous accompagner, bien sûr, tout au long de cette journée, marquée par les chansons de France Gall. Avec l'horoscope de Martin qui arrive, les poissons vont renouer avec des relations oubliées. L'horoscope dans même pas 30 secondes. 5h57, vous avez mis France Bleu et vous avez bien fait. France Bleu. On se retrouve pour votre rendez-vous avec de l'info aux côtés de Denis Farou et des histoires d'hommes et de femmes partout en France, amoureux de leur région et qui la font vivre. On vibre et on découvre leurs projets. Une heure en France avec Frédéric Le Ternier et Denis Farou, aujourd'hui de 13 à 14 heures sur France Bleu. À tout à l'heure. France Bleu. Martin, pour certains, ce 2018, début 2018, ça va assurer. Hein. Il y a de bonnes raisons pour. Des scorpions, des capricornes assurent sérieux un relais, une transition. Des taureaux et des cancers mettent en application de bonnes résolutions. Capricorne, main à la poche, partage et prise en compte, bah oui. Verseau, infos à prendre et que vous faites circuler. Poisson, vous renouez avec des relations oubliées quelque temps. Bélier, décision annoncée, ça fait bouger les lignes. Taureau, différent, vous jouez la conciliation, l'apaisement. Gémeaux, mise à jour de votre agenda, date retenue, rendez-vous pris. Cancer, vous rassurez sur votre disponibilité, votre présence. Lion, état des lieux, entente sur les prix, la qualité du produit. Vierge, ajustement des pratiques, entorse faite aux règles, aïe aïe aïe. Balance, amour ou amitié, engagement que vous prenez. Scorpion, promesse faite, délais à obtenir pour y arriver. Sagittaire, association, aide inattendue, chance. Nécessité oblige, résolution prise, assurance d'un soutien, d'une aide. France Bleu Matin, France Bleu Paris Matin, Robin Grimaldi. Merci Martin pour cet horoscope à retrouver sur francebleu.fr. On n'oublie pas de souhaiter une bonne fête à Lucien aujourd'hui. Justine, vous restez encore un peu avec nous. Avec grand plaisir, on vous retrouve. En plus, je suis très content. Je suis de très bonne humeur aussi de vous retrouver ce matin sur France Bleu Paris. D'ailleurs, je profite pour souhaiter à tous les auditeurs et auditrices une très très belle année 2018 de la part de toute l'équipe de France Bleu. Alors, vous étiez peut-être comme moi en vacances la semaine dernière. Et puis, le dernier jour des vacances, une mauvaise nouvelle. L'annonce de la mort de France Gall des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans. Et là, tout de suite, y a plein de souvenirs qui reviennent forcément. 63, la France l'a découvrait et l'a tout de suite adoré avec Sacré Charlemagne, c'est son premier titre. Ça avait été écrit par son papa et elle en a vendu plus de 2 millions d'exemplaires. C'est ce Sacré Charlemagne, Sacré. Et puis sa rencontre avec Gainsbourg, une chanson polémique. La rencontre qui va changer sa vie avec Michel Berger. Et puis des tonnes de tubes. Pendant une très très longue carrière, on a tous une histoire, un souvenir avec France Gall. Et ce matin avec vous sur France Bleu Paris, on a envie de lui rendre hommage avec vos appels au 01 42 30 10 10. Vous l'avez vu en concert en région parisienne. Racontez-nous, vous l'avez rencontré, venez nous raconter aussi. Dites-nous pourquoi vous l'aimez, quel est votre titre préféré de France Gall et pourquoi vous écoutez France Bleu Paris matin. Et ce lundi 8 janvier est consacré à France Gall. Bienvenue. 6h-9h, Paris s'éveille avec France Bleu. France Bleu Paris matin, nous sommes donc le 8 janvier et il est 6h, bienvenue. Bonjour Faustine Calmel. Bonjour Robin, bonjour à tous. L'info, ça se passe ce matin à Rennes avec le PSG, Gare Montparnasse et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'est là que France Gall, à 16 ans, passe sa première audition. La chanteuse morte hier, toute une carrière intimement liée à Paris. Des retards hier soir Gare Montparnasse à cause d'une panne des panneaux d'affichage. Un signe de plus des problèmes à la SNCF alors que son président Guillaume Pépi est convoqué aujourd'hui au ministère des Transports. Il faut fermer dès aujourd'hui le fort de Vaujours, c'est ce que réclame les opposants au site, radioactifs disent-ils. Et puis un petit tour en Bretagne, une victoire 6-0 hier soir pour le PSG à Rennes, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. C'est la rentrée pour beaucoup aujourd'hui, les fêtes de Noël c'est fini, ça se voit entre autres au marché de Noël qui ont tous disparu. Le dernier a fermé ses portes hier soir, c'était celui du Champ de Mars. On est allé voir les exposants de ce marché de Noël pour faire le bilan avec eux. Ce sera votre reportage France Bleu Paris à 6h15. France Bleu Paris matin. Elle a donc rejoint le paradis blanc. France Gall, morte hier à 70 ans des suites d'un cancer. La chanteuse star des années yéyé avec Poupée de cire, poupée de son. Portée ensuite, bien sûr, par les textes de Michel Berger. De sa naissance dans le 12e arrondissement de Paris jusqu'à sa mort à l'hôpital américain de Neuilly hier, la carrière de France Gall est liée à notre région, Fiona Mogadam. Enfant de la balle, toute petite, elle traîne déjà dans les coulisses de l'Olympia. Sa première audition, c'est au Théâtre des Champs-Élysées qu'elle la passe. Elle a alors 16 ans. France Gall rencontre très vite le succès, icône des yéyés. Sa carrière prend un autre tournant dans les années 70. Après sa rencontre avec Michel Berger, il se marie en 76 à la mairie du 16e. Trois ans plus tard, l'opéra rock Starmania est présenté au Palais des Congrès de Paris. Elle y interprète Cristal. Le Zénith, Bercy, ce n'est qu'en 96 qu'elle se produit à l'Olympia. C'est là qu'on la verra pour la toute dernière fois sur scène en 2000 avec Ironie du sort, Johnny. Il y a trois ans, France Gall lance un nouveau spectacle à Bercy, la comédie musicale Résiste. France Gall en 2015 au micro de Yann Bertrand. C'est presque la suite logique. Michel n'étant plus là, ses chansons restent. Et moi, depuis tant d'années, je fais vivre la musique que Michel m'a laissée. Et je la fais vivre de différentes manières. Et cette comédie musicale, c'est un petit peu l'ultime défi qu'on peut faire. Et ultime hommage à Michel Berger que France Gall laisse à ses fans. Je suis seule que je peux inventer. France Gall, à qui on rend hommage toute cette matinée sur France Bleu Paris, émission spéciale avec vos témoignages au 01 42 30 10 10 et puis rendez-vous également sur francebleu.fr où vous retrouvez une web radio qui lui est dédiée. 6h03 sur France Bleu Paris, marre des retards et problèmes à la SNCF. France Bleu Paris. 6h13 sur France Bleu Paris matin, 01 42 30 10 10. Ce matin, l'antenne est à vous pour rendre hommage à France Gall qui nous a quitté hier à l'âge de 70 ans. Racontez-nous pourquoi vous l'aimiez tant, France Gall. Quel est votre titre préféré? Est-ce que vous avez eu la chance de la voir en concert ou de la croiser? 01 42 30 10 10. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on comme un amour conquise. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. C'est France Gall, évidemment, sur France Bleu Paris Matin, qui lui rend hommage avec vos appels ce matin. Pourquoi ne pas l'écouter maintenant en duo avec Michel Berger? Voici, évidemment, ça balance pas mal à Paris. Je suis née d'ici, pas un petit. Je suis de Paris, pas de Paris. J'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais Passy, pas Albany. Je suis pas Yankee, t'es un Titi. Moi je suis pas pour les cocorico. Il y a aussi les mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Je veux faire un show. Je demande pas mieux. Mais du nouveau. C'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story. C'est bien fini. Le parapluie. C'était joli. Mais et je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus de notre époque. La métro Goldwyn-Mayer, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Ça balance aussi. France Gall et Michel Berger, ça balance pas mal à Paris. Dans 30 secondes, vos infos. 6h-9h, Paris s'éveille avec France Bleu. France Bleu. Bonjour à tous, Laurent Petit-Guillaume. C'est un film culte qui aujourd'hui encore explose les audiences. Depuis quelques années, c'est un spectacle musical qui triomphe. Dirty Dancing est de retour à Paris, au Palais des Congrès. Le producteur et le rôle masculin principal sont vos invités en ce lundi, dès midi. Midi 13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu. France Bleu Paris. C'est la rentrée, merci de commencer la semaine et la journée avec France Bleu Paris Matin. Lundi 8 janvier, 6h30, et évidemment, la musique de France Gall résonne dans les têtes ce matin, Thomas Séchier. C'est chic, apparemment, et pas tout à fait prêt. Les infos, ce sera tout à l'heure sur France Bleu Paris. Mais à 6h30, d'abord, on va rendre hommage à France Gall, évidemment. Voici Samba Mambo. Bienvenue, nous sommes lundi 8 janvier et vous écoutez France Bleu Paris Matin. France Gall sur France Bleu Paris. Les infos, Thomas Séchier donc, à 6h32 en ce 8 janvier. Et on reparle évidemment de France Gall qui résonne dans les têtes. De la chanson aussi pour Hugues Aufray. Il y a une chanson en particulier qu'il retient. Il y a une chanson que j'aurais aimé écrire moi et que j'aurais aimé chanter, qui est Résiste, parce que c'est un sujet qui me touche de beaucoup, parce que je crois que la vie ne nous épargne pas et la vie est dure, il faut résister. Et cette chanson Résiste est formidable dans un monde où tout le monde a tendance à baisser les bras devant la cruauté, la violence. Résiste, voilà, ça c'est une chanson qui est formidable. France Gall était une résistante. Cœur qui insiste. Une résistante dont la disparition bouleverse bien sûr les programmes des chaînes de télé. Ce soir, c'est France 3 qui diffuse un documentaire sur France Gall et son grand amour Michel Berger. Et puis sur francebleu.fr, il y a une web radio qui vous attend avec toutes ses plus grandes chansons. L'actu ce matin, c'est aussi la météo et ses 12 départements en alerte. A rendu hommage à Michel Berger, souvenez-vous. Quand Michel a chanté au Zénith en 1986, il avait demandé au public de ne pas applaudir après la chanson que je vais faire maintenant, qu'il avait faite lui. Et moi, je voudrais vous demander aussi de faire un moment de silence à la fin. Donc n'oubliez pas, à la fin de cette chanson, vous n'applaudissez pas, vous faites un moment de silence. Merci. Cette minute de silence est pour nous deux. De silence et pour nous deux. Très beau moment qu'on vous fait revivre ce matin et pour le reste on attend vos témoignages 01 42 30 10 10. Justine, vos hommages, vos messages hommages à France Gall, c'est aussi sur la page Facebook de France Bleu Paris que vous pouvez les laisser. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Hier, on apprenait le décès de la chanteuse de 70 ans. France Bleu Paris lui rend encore hommage ce lundi. Vous lui rendez hommage. Monira nous dit paix à son âme, mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. J'ai beaucoup de peine. Olivier aussi a tenu à laisser un message. Quelle tristesse d'apprendre cette nouvelle. Elle est partie rejoindre son mari et sa fille au paradis blanc. Reposez en paix et condoléances à sa famille. Joanie, encore une voix de mon enfance qui nous quitte. Hein, Joanie qui est rejointe d'ailleurs par Marilyn. Un pan de mon adolescence s'en va, qu'elle repose en paix. Pearl nous dit « Triste nouvelle, ces chansons resteront indémodables ». Et c'est vrai, hein, la preuve, on les écoute depuis ce matin, ça passe toujours aussi bien. Puis Patrick, encore une artiste qui part, que j'aimais bien. Quelle tristesse. Voilà, donc beaucoup de messages, hein, beaucoup d'hommages sur la page de Facebook France Bleu Paris. On attend encore les vôtres, hein, si vous ne l'avez pas encore laissé. Et Mathilde réceptionne également vos appels au 01 42 30 10 10 ce matin. Il est 6h42 sur France Bleu Paris. France Bleu. Événement sur France Bleu Paris. Ce mercredi 10 janvier, Anne Hidalgo, maire de Paris, est l'invitée de France Bleu Paris Matin. Elle répondra à toutes vos questions. Circulation, pollution, logement, sécurité, propreté, Jeux Olympiques. Posez-les dès maintenant au 01 42 30 10 10. Anne Hidalgo, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin, c'est mercredi matin à 8h15. France Bleu, Paris. France Bleu. Vous écoutez France Bleu Paris Matin, il est 6h43. Ce matin, on rend hommage à France Gall avec vos appels au 01 42 30 10 10. Racontez-nous comment c'était quand vous l'avez vu en concert dans la région. Est-ce que vous l'avez rencontré? Quels sont vos titres préférés? Vos témoignages, vos appels, vos messages pour France Gall et ses proches. 01 42 30 10 10. Et nous, on écoute Calypso ce matin. Il me disait, y a que le look qui compte. Bien sûr, je me suis pas rendu compte qu'il regardait par-dessus mon épaule. Cette fille lui a fait le coup du sang chaud, et moi j'avais pas la couleur de peau. Pour le calypso, les âmes et mon show, vertige des pays chauds, ils disent let's go. J'ai besoin d'autre chose qu'Alipso. Il rêvait tout haut, danser là-bas bientôt. Le Calypso. Tico, tico, tico, Calypso. C'est vrai qu'ici, c'est pas les paillettes. Non plus la mort qui nous guette derrière les grands chapeaux, les sombreros, et moi je les trouve trop sucrés, leur sirop. si le soleil d'ici ne brille pas si haut. Pour le calypso, mes amis mucho, vertige des béchots, ils disent let's go, j'ai besoin d'autre chose. Calypso, rythmo latino, danser là-bas bientôt. Le calypso, tico, tico, tico, calypso. A chacun ses héros, lui Dario Moreno, moi Poli sous Toto. Calypso, una storia retro. Moi Elton ou Bowie, et lui Luis Mariano. Calypso, amore passato. Moi Janis ou Cali, et lui Gloria Lasso. Calypso. C'est pas l'homme qu'il me faut, à chacun ses héros. Moi, Poli sous Toto, Louis Dario Moreno. Calypso, amour latino. Adios, Juan. Hasta luego. Ce matin, on passe la matinée, la journée avec France Gall sur France Bleu Paris. France Gall qui nous a quitté hier à l'âge de 70 ans. Vos hommages, vos témoignages, si vous avez eu la chance de la rencontrer, de la croiser, si vous l'aimez particulièrement, si ces titres vous plaisent, c'est au 01 42 30 10 10. C'est France Bleu Paris matin. Nous sommes lundi 8 janvier, 6h47, bientôt Faustine Calmel. Guillaume Pépi, convoqué au ministère des Transports. Le président de la SNCF sommet de s'expliquer sur les gros dysfonctionnements du mois dernier, gare Saint-Lazare et Montparnasse. Montparnasse où une panne d'affichage a encore provoqué des retards hier soir. Sur la route, c'est vers le pont de Sèvres que vous pourriez avoir du retard. Une partie des quais fermée à Boulogne. Le détail dans le journal de 7h. À 7h aussi, à suivre l'hommage à France Gall. Elle a marqué toute une série de générations, nous dira la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Et puis la reprise des recherches ce matin pour tenter de retrouver le corps d'une policière de la brigade fluviale disparue lors d'un exercice vendredi dans la Seine. Le fleuve dont le niveau continue de monter ce matin. France Bleu Paris matin. Vous l'avez vécu sur France Bleu Paris, la victoire fracassante des Parisiens et la qualification du PSG en 16e de finale de Coupe de France, c'était hier soir, 6-1. Notre tireur de coup franc de ce lundi, Bruno Salomon, nous l'a commenté ce match. Bruno, d'ailleurs, je crois que vous êtes maintenant plutôt rassuré. Hein. Oui, en effet rassuré, car Paris a d'entrée tenu sa résolution 2018, démarré fort. D'ailleurs, tiens, je me permets de vous souhaiter à toutes et tous une belle et heureuse année 2018, santé, bonheur et pour le PSG, victoire, but et Ligue des Champions. Voilà, ça c'est pour le Paris Saint-Germain. Bon, la Coupe d'Europe, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, hier, j'ai beaucoup aimé ce PSG-là, surtout en première mi-temps où Paris a été fracassant, comme à chaque reprise. On a un peu peur que le groupe ne soit pas prêt avec seulement 3 jours de reprise dans les pattes, mais avec des joueurs sérieux qui ont respecté à la lettre les conseils du préparateur physique pendant les fêtes. Ce PSG a été royal pendant 45 minutes, surtout cette première mi-temps avec 4 buts, 4 buts à 0. Zéro, pressing haut et jeu vers l'avant à gogo. Paris a régalé et surtout, il s'est évité toute polémique avec l'absence de Cavani et Pastore. Vous savez, les deux fameux retardataires. Le groupe a fait voir que rien ne l'atteignait, qu'il avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper des retardataires. Là, le message est clair. Ce PSG veut rouler à vive allure jusqu'au 14 février, date de la Saint-Valentin des Parisiens. Rendez-vous amoureux avec l'histoire et le déplacement en 8e de finale en Ligue des Champions à Madrid. D'ailleurs, je plains les adversaires de ce PSG jusqu'à la Coupe d'Europe. Ce pari-là va se montrer intraitable. Le message est passé hier. Tous les joueurs vont vouloir gagner leur place pour affronter le Real. Rennes en a fait les frais. Et ça pourrait bien être la même chose dès mercredi en Coupe de la Ligue en quart de finale face à Amiens. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous cet après-midi. Et oui, à cet après-midi, effectivement, Bruno, pour le Facebook Live avec la team de Tribune PSG. Ce sera à 17h30 pour la première de cette année 2018. À ne pas rater. Et puis les buts de ce Rennes PSG, on les revivra bien sûr. Tiens, souvenez-vous, le premier but que le PSG a marqué, c'était dimanche. Passe dans l'axe, Thiago Silva. Il a vu le départ de Kylian Mbappé. Si ça passe, Kylian Mbappé, le contrôle va être bon. Kylian Mbappé qui a frappé. Oh là là, c'est bon. Goal de Kylian Mbappé. Pied gauche, la reprise. Et Abdoulaye Diallo qui se couche trop tard, c'est fini. Quelle passe de Thiago Silva. Tout part de là. Eric Rabet sans l'antenne à 8 minutes de jeu, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Mais cette passe magnifique, somptueuse de Thiago Silva. On est à 50 mètres du but. Et là, dans le dos de la défense, on ne saute pas. Ah, c'est, un côté caviar. De... c'est un caviar, c'est magnifique. Simplement un caviar. Oui, pardon, le coup franc de Bruno Salomon à retrouver sur francebleu.fr. Dans le ciel aujourd'hui, quelle couleur? Attention, c'est un roulement de tambour extrêmement mal fait. On aurait dit un volet. Eh ben, c'est exactement un volet de tambour avec le gris. Hein, ce sera la couleur dominante du jour, mais on a quand même envie de croire aux éclaircies que Météo France nous dit qu'on aura peut-être d'ici cet après-midi. En tout cas, normalement, le parapluie reste à la maison, ça c'est sûr, on reste au sec aujourd'hui. Et les températures sont de saison, c'est pas si mal, il fera jusqu'à 9 degrés cet après-midi à Paris. Et ce matin, Justine? Il fait 3 degrés à Rambouillet dans les Yvelines, 4 à Pontoise dans le Val d'Oise, et on a 5 degrés dans le 15e arrondissement de Paris. Laissez-nous en votre météo du jour. Vous le savez, on se retrouve tous les matins sur le Facebook de France Bleu Paris. Faites comme Agnès qui nous écrit « Coucou de Provins » où il fait actuellement 5 degrés. Bon retour aux vacanciers et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne journée à tous. Pareil Agnès, hein, aujourd'hui en plus n'hésitez pas à nous laisser un message hommage à France Gall. Pour ça, rendez-vous hein, sur le Facebook de France Bleu Paris aussi. 6h51, c'est aussi l'heure de regarder nos transports en commun et la route où il y a déjà quelques ralentissements en direction de Paris. Laurent Borde. Oui, notamment sur la 15, vous mettez un quart d'heure de Sannois à Gennevilliers. Sur la 4, un quart d'heure également entre Logne et Nogent. Et puis sur la 13, 10 minutes entre les Mureaux et Morinvilliers. Sachez aussi que les voies Georges Pompidou sont fermées à la circulation à raison de la montée du niveau de la Seine. Et puis Julien et Redouane nous ont signalé un accident sur le périphérique intérieur porte de Clignancourt. Sur la voie du milieu et la voie de gauche, 3 véhicules sont impliqués. Côté transport en commun, la ligne C du RER est perturbée à cause d'un mouvement social local. Il n'y a que 8 trains sur 10. Et puis à cause de ce même mouvement social local, eh bien sur la ligne E, certains trains sont supprimés. Sur la ligne P, certains trains sont également supprimés entre Gare de l'Est et Meaux, ainsi qu'entre Meaux et la Ferté-Milon. Et bien sûr, vous avez le bon réflexe en cas de souci, de quelque chose d'inhabituel croisé dans les transports en commun ou sur nos routes. Vous nous appelez pour nous en faire part, 01 42 30 10 10, pour faire la route avec nous à tout moment sur France Bleu Paris. L'infotrafic avec la station de Gérardmer. 40 km de pistes de ski alpin au cœur des Hauts-de-Vosges. La station la plus proche de Paris. Gérardmer-ski.com. France Bleu Paris. 6h52, bonne année Muriel Jourdan qu'on va retrouver maintenant. On va parler de votre accès privé de tout à l'heure vers midi et quart sur France Bleu Paris. Et alors c'est lundi au réveil, vous nous parlez de quoi Muriel? Ah bah, je vous propose un réveil avec des plumes, des talons hauts, des paillettes, parce qu'on va suivre, comme si vous y étiez, les répétitions avec les danseuses du Lido qu'on appelle les Bluebell Girls. On sera avec Jane, la maîtresse de ballet. Elle travaille depuis 23 ans. Elle s'active en coulisses dès le matin. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais les danseuses, elles ont un petit nom. Les danseuses topless sont appelées les belles et les solistes les sublimes. Tenez, pour briller au prochain apéro, vous pourrez expliquer à vos amis de passage à Paris que les danseuses du Lido sont recrutées sur des critères bien précis. Elles doivent mesurer au minimum 1m75, déjà pour moi c'est foutu, présenter une esthétique corporelle irréprochable, avoir de bonnes bases en danse classique, avoir des notions de jazz, il faut aussi être souple, avoir une certaine musculature hein, qui est nécessaire pour les 2 heures de show quotidien, parce qu'il y a quand même aussi 4 étages à monter et descendre sur des talons de 9 cm. Oh là là, je sais pas à vous, mais moi ça me donne le tournis. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure Muriel, finalement on est bien à la radio tranquillement. Accès privé, ce sera à midi et quart chez Laurent Petit-Guillaume. 6h53, matinée spéciale, hommage à France Gall ce matin, entre autres avec vos appels. Racontez-nous pourquoi vous l'aimiez, vos titres préférés, c'était lesquels? Vous l'avez déjà vu en concert? On vous attend 01 42 30 10 10. Voici son duo avec Elton John. We're no help.